poignet glacé, l'horloge fait tic-tac. Compteur en or, le chrono claque. Cadran scintille, étoile en vrac. Les haters se noient, mon style attaque. Rolex au bras, lumière dans la nuit. Chaque seconde brille, rien qu'un bijou exquis. DJ Ludo platine, la foule s'électrise. Le temps s'arrête, le beat nous hypnotise. Sur les chiffres romains, j'écris mes rêves. Le temps défile, mais jamais il m'enlève. Couronne au sommet, jamais en grève. Le tic me rappelle que le succès s'élève. Aiguille qui danse sur un beat bien précis. DJ Ludo fait tourner la vie comme un frisbee. L'horloge tape fort, le son fait des ravages. Minuit passé, c'est le moment des mirages. Le beat nous hypnotise. Chaque seconde compte, chaque ring pèse. Les diamants sur le cadran, c'est un vrai malaise. Le flow s'écoule comme le temps, jamais à l'aise. DJ Ludo balance, le dance floor s'embrase. Chaque seconde compte, chaque rime pèse. Les diamants sur le cadran, c'est un vrai malaise. Le flow s'écoule comme le temps, jamais à l'aise. DJ Ludo balance, le dance floor s'embrase. Chaque rime pèse, les diamants sur le cadran, c'est un vrai malaise. Le flow s'écoule comme le temps, jamais à l'aise. DJ Ludo balance, le dance floor s'embrase. Sur le cadran.